T'es... Ce que je dois dire, c'est que les paroles exactes qui ont été prononcées, c'est... C'est mauvais. Frappé. C'est que les gens qui nous empêchent de manger, on les élimine. Ne se dirige pas vers Cuba comme l'ouragan Sandy, il revient plutôt de Californie, mais tel un ouragan radiophonique, il peut faire beaucoup de ravages. Voici votre animateur, Jean-Philippe Beaudieu. Hey, Colin, les beaux applaudissements. Bonsoir tout le monde. Je me sens comme Lino Zambito, tout le monde en parle. Ben oui. Bon. Ça applaudissait plus que ça quand même. Ah boy! Hey, bonsoir, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre la terrible nouvelle de la presse. Ouais. Hein? Ça, c'était hier matin. Gérald Tremblay ne se représentera pas à la mairie. Ça, c'est... Bonsoir, Fred. Bonsoir. T'es un choc, hein? Ben là, c'est pas une grosse surprise. Il me semble que ça fait 4 ans qu'il se présente pas. Ah, moi non, vu de même. Non, j'avoue, dans le fond, j'attendrais aux prochaines élections avant de célébrer. Ouais. Hein. Mmh. On sait jamais, d'un coup, qu'il se présente parce qu'il était pas au courant qu'il se représentait pas. Ouais. Non, mais fil d'une poche, le bonhomme, on serait capable de faire ça, ouais, c'est clair. Hey, toujours est-il que ça a été une grosse, grosse semaine pour la crosse au Québec. Je parle du sport, oui. Évidemment. D'abord avec Gilles Surprenant, hein, qui a poursuivi son témoignage à la commission Charbonneau. On l'a tous écouté, mais il n'est pas le seul, parce qu'il y avait aussi Lise Thibault, l'ancienne lieutenant-gouverneur, qui est en procès en ce moment. Oui, hein? On oublie qu'il n'y a pas juste des ingénieurs et les contracteurs qui nous ont roulé. Là. Non, puis elle est bonne là-dedans. Oh, roulé, c'est pas pire. C'est une blague. Son avocat a même plaidé, là, écoutez ça, là, plaidé que Mme Thibault avait le droit d'utiliser les fonds publics selon le principe du « The Queen can do no wrong ». Vous le savez, ça? Ah, finalement, c'est comme surprenant. Hein? Oui, sauf que lui, c'est plutôt « The Gilles can do no wrong ». Ah, ouais. Hein, vous l'avez... Non, mais il a essayé de faire pitié en nous disant que c'était pas son rôle de dénoncer le système qui l'enrichissait parce que tout le monde était au courant à la Ville de Montréal. Ben, sauf Gérald. Ah, ça d'ailleurs, vous connaissez la règle de grand-mère, hein? Le « on » exclut la personne qui est mère. Oui. Ça, c'est une règle bien connue, ça. C'est gréviste. Oui, c'est gréviste. Comme dans « je suis en gréviste ». Je suis en gréviste, oui. Le pire, c'est que Surprenant affirme avoir empoché 600 000 $ de ristourne, mais il y a des journalistes qui ont fait le calcul. Hein. On parle plutôt de 736 000 $. Ah, il n'est même pas capable de calculer combien il nous faut lui-même, imagine. Non. Ça peut bien coûter cher. Surprenant, comme on dit. Parlant de Gilles, impossible de passer à côté du pire des Gilles. Gilles la tulipe? Non, Gilles Levaillancourt, maire de Laval. Ah, mais quand même, un autre comique. Ouais. Encore plus burlesque. Oui, très burlesque. Tellement drôle d'ailleurs qu'il avait laissé 100 000 $ dans des coffrets de sécurité. C'était pas dans ses bas qu'il cachait son argent, lui? Non, ses bas, lui, il est en train de les manger, je pense. Ouais, non. Non, lui, c'est plus les bas Hamas. Oh! Ouais. Pas loin de la bande de Gaza, je pense. À côté. Non, c'est tout proche, tu regardes. De toute façon, on va arrêter de dire des méchancetés, puis ça, je trouve ça important. Là, on va arrêter de dire des méchancetés parce que le maire ne file pas. Non, il va pas bien. Il est malade, Fred. Ses médecins l'ont sommé de se retirer temporairement. Ses médecins l'ont sommé? Oui. Comment ça va nous coûter encore, ça, là? Ah, Fred. Il est peut-être vraiment malade. D'ailleurs, justement, on devrait prendre tous ici là, un petit moment de silence afin que le maire Vaillancourt se rétablisse. Là. Juste, s'il te plaît, un petit silence, tout le monde. Ah, il est correct. Il est pareil. OK, bon, parlons de ça. Il y a aussi la CAQ qui va mieux. Hein? On commence à être inquiet. Hey, boboy, on les entendait plus. Ouais. François Legault a proposé de plafonner les dépenses électorales à 4 millions pour éviter la collusion à l'avenir. Moi, je pense qu'on devrait l'écouter, François, parce qu'il est quand même très bon pour plafonner. Lui. Oui, il plafonne vite, lui. Hein? Oui. Parlant de plafond, Gérald Larose vient de pogner le sien. Je sais pas si vous avez vu, hein? Paraît-il qu'il a falsifié son CV. Il s'est placé à la tête d'une chaire de recherche qui existe même pas. Hein? Pas pire, ça. Puis ça veut être recteur de l'UQAM. Ah, ben il va être bon finalement. Ah, ben oui, c'est avec l'UQAM. Ben oui, on va. Hein, ils ont même inventé l'îlot voyageur qui n'existe même pas. Non, pas de problème là. Je pensais que c'était une bonne université. Je me suis trompé. Parlant de choses qui coûtent cher, la compagnie Apple a lancé son iPad mini et contrairement à ce qu'on pensait, c'est beaucoup plus dispendieux que prévu. Hein? Ben oui, 329 $, 129 $ de plus que son principal concurrent. Oui, oui. Ben Apple a avoué aussi que sa clientèle est tellement fidèle qu'ils n'ont pas besoin d'offrir des prix concurrentiels. Ah. Hey, ça, là, c'est quand même le capitalisme dans sa forme la plus achevée. Ouais, je pense que c'est clair. Je pense que la prochaine étape, ça va être de vendre du iKey, hein, je pense. Oui, c'est. Allez l'acheter là-dessus. Ouais. Moi, j'achète tout ce qu'Apple fait. Ah ouais, hein? ça rentre chez nous, c'est sûr. Ouais. Parlant de lubrifiants, il y a le PQ qui est... Non, c'est vrai, le PQ va en avoir besoin pour faire passer ses prochaines nominations partisanes. Oui. Avez-vous vu ça? Oui. Paraît qu'André Boisclair deviendrait délégué du Québec à New York. Oh, l'indice du sens de l'humour va monter pas mal au Québec. Oui, oui. Il va exploser. Ouais. Comme André, d'ailleurs. Il a la mèche courte, André. Hein? En fait, il n'y a pas de mèche pantoute. Non, c'est juste du gaz. Ouais. Pouf, fracture de suite. Il y a Sylvain Simard qui deviendrait délégué général à Paris. Délégué général? Ouais. Oh boy, il doit trouver ça vulgaire. Oui, délégué. Ben, non, mais être vulgaire à Paris quand t'es payé pour, c'est pas ouais. mal quand même. Ouais. Et si mes calculs sont bons, ce sera le premier délégué québécois plus français que les Français. Ouais. C'est spécial, ça. Pourtant, ce qui est drôle, c'est que c'est un bleuet, hein? Non, je pense qu'il dit myrtille. Ah, c'est ça! Ouais. Non, ben, ouais. ben moi-même, je suis une myrtille, hein? Tout comme nos invités de ce soir. On reçoit Régent Tremblay qui vient nous présenter son premier roman. Alors, j'espère que c'est pas la suite du film dans ses comptes, là. Non, c'est une histoire beaucoup plus crédible que ça, Fred. on reçoit également Philippe Couillard qui nous arrive directement de Saint-Félicien, hein, après un détour en Arabie Saoudite. Ah, il paraît qu'il y a plus de viande halal au lac qu'à Riyad, hein, selon le Journal de Montréal. Oui, j'ai lu ça ce matin. C'est malade. On aura le temps d'y poser la question au Dr Couillard, puisque la soirée est encore jeune. Ah ben merci d'être à l'écoute, il y a beaucoup de monde ce soir. Olivier Niquette, oui. L'Internet, toujours à la même adresse. Toujours. Ben oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée ou sur notre site radio tradeunioncanada.ca/lasoirée où ils pourront voir Pierre Bruno proposer un suppositoire à un de ses collègues journalistes. Ah. Bon. Rigueur. Oui, rigueur, comme on dit. Merci beaucoup. Hey, grosse semaine d'actualité encore une fois. Grosse semaine. Tellement qu'on n'a pas parlé de la bouteille à la mer lancée par deux petites Gaspésiennes qui a été retrouvée 8 ans plus tard sur les côtes de l'Irlande par un petit gars. Ben ouais, une chance que c'était pas une canette de Monster Energy, il serait mort. Ben oui, hein, non. Mais en même temps, il est poigné pour correspondre avec deux Gaspésiennes le reste de sa vie. Ouais. Fait que je sais pas c'est quoi qui est le mieux. Là. Pas bien ben avancé. Non, c'est ça. Ben tendant. Hey, j'ai toujours dit que d'aller aux danseuses, c'était du sport. Vous le savez, je le dis souvent. Forme. Ben moi, je suis un gars en grande forme. Et justement, les adeptes de la danse poteau espèrent que cette discipline sera bientôt admise aux Jeux olympiques. Et c'est pas une blague. Ouais, c'est vrai. Tout ça est très inspirant. Et c'est pourquoi nous en faisons le sujet de notre palmarès hebdomadaire. Alors, voici donc 5 autres disciplines qu'on aimerait voir aux Jeux olympiques. En 5e position... Le lancer du Marie-Hélène Thibert, franchement. Ouh, vous êtes vraiment cinglant. Mais là, vous avez pas le contexte. Ah, c'est ouais. comme ça qu'on fait ça, une blague. Ouais, c'est ça. Une blague de mauvais goût, après ça, tu dis c'est ça. C'est le renouveau de l'humour. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le mec, ça marche, OK. En 4e position, le trampoline avec le Dr Barrette, franchement. Ils vont prendre un gros trampoline. Non, ce que je veux dire, c'est que ce serait lui le trampoline. Ah, franchement. Non. Laissez faire, vous avez pas le contexte. Hein, je pense bon. Vous êtes hein? très cinglant. Ouais, c'est facile. C'est fou. On peut dire n'importe quoi quand on dit ça après. Ben oui. En 3e position, le triple saut avec Surprenant, Tremblay et Vaillancourt. Mais là, c'est quoi le rapport? Ben, pas saut S-A-U-T, le saut est sauté. Oh boy. Là, vous avez tout le contexte. Là, okay. Y a pas de problème. En 2e position, le 110 mètres haies à reculons du PQ. Ah ouais? C'est eux qui fournissent les haies en plus. Oui, ils trébuchent sur eux-mêmes. Ils sont plus qu'il en a besoin. Ouais. Et en 1ère position, le tir au rébello d'argile avec pas de fusil. Oui, tu le laisses partir puis. Oup, tu perds de vue. Ouais, fini. On est en bas. C'est tout, c'est fini. Ah, oh, merci Fred. Présentez-nous notre premier invité. Ancien ministre de la Santé sous le gouvernement de Jean Charest, notre prochain invité s'est éclipsé dans l'industrie privée à un moment plutôt opportun. De retour d'une tournée mondiale, il monte à l'assaut de la chefferie du Parti libéral. Voici M. Philippe Couillard. M. Couillard. Bonjour. Ah, merci d'être ici. Moi, je suis très excité, hein, parce que vous le savez, on a reçu Pierre Moreau, oui. On a reçu Raymond Bachan, et là, enfin, on reçoit le troisième candidat à la chefferie au PLQ, Jean-David. Non, c'est pas vrai. J'allais vous rappeler qu'il y en a 4. Ben oui, je sais, mais on l'oublie tout le temps, le pauvre M. David. C'est parce qu'il n'est pas connu. Oui. Mais est-ce qu'il y a des chances, vous pensez, M. David? Tout le monde a des chances. Hein? Tout le monde pense qu'ils ont des chances. Oui, ben c'est ça. Non, mais tout est la différence, je veux dire. Monsieur Legault a longtemps pensé qu'il y avait des chances aussi. Là. En fait, voulez-vous que je vous dise, ça fait comme 15 ans maintenant qu'on lit sur vous et qu'on se dit que vous êtes extrêmement intelligent. Et là, la première question qui nous vient en tête, c'est pourquoi la direction du PLQ, d'abord? Non, mais vous pognez pas la TV à Saint-Félicien. Ah oui, bien... Ben, parce qu'écoute, la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des affaires de même, là... Rendez-vous compte de la pression, là, qu'un article comme ça met sur quelqu'un, là. Ben, c'est ça. Faut que j'ai l'air smart à chaque jour, moi, là. Est-ce que vous êtes si intelligent que ça? Bon, je suis pas pire, là, mais faut quand même en prendre puis en laisser, là. OK, fait il m'arrive de faire des conneries. Je disais que vous étiez docteur à 22 ans. Oui, mon doctorat en médecine. Oui, oui. Ben, 22 ans, je veux dire, la plupart des gens ici, puis il y a plusieurs étudiants, là, ils sont en art, puis ils ont 34, là, je veux dire, c'est pas... Ils ont même pas le bac, là. Mais j'ai pas de mérite, mes parents m'ont envoyé bien de bonheur à l'école. Puis vous avez passé à travers ça, donc à 22 ans, on peut faire notre doctorat en médecine comme ça, vous êtes devenu spécialiste à 25, c'est bien ça? 28. Ça a pris plus de temps, ce bout-là. Ouais. OK. Mais est-ce que ça vous sert aujourd'hui en politique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la course au PLQ à avoir été docteur si jeune? avoir tant d'expérience dans le monde? Le fait d'avoir été jeune, je ne dirais pas que ça fait une différence. Le fait d'avoir pratiqué la médecine, oui. C'est vrai? On connaît les gens. On est habitué à rencontrer des gens dans des situations difficiles, régler des problèmes difficiles, évidemment. Ouais. Puis c'est un peu, je fais souvent la comparaison entre les deux, hein. Faire un diagnostic, différentes possibilités de traitement, les effets secondaires, pas d'effets secondaires, les complications, pas de complications. À ce temps-ci, il y a plusieurs complications. C'est compliqué. Hein. C'est plus compliqué, là. Mais justement, il y a M. Marissal qui parlait de vous et qui disait que vous aviez eu plusieurs traumatismes lors de votre premier passage en politique, donc en 2003 et 2008. C'est bien ça, plusieurs traumatismes. Et là, vous revenez en politique pour être chef du PLQ. Oui. Faut être fait solide. Oui, effectivement, il faut être fait solide. Il faut croire en quelque chose, puis croire en la possibilité qu'on a de réaliser quelque chose. Parce que justement, Pierre Moreau est le candidat de la jeunesse. Mm-hmm. Raymond Bachand. Il a le même âge que moi, en passant. Oui, bien, en fait, vous êtes d'ailleurs les deux plus vieux que Jean Charest. Je comprends pas ça, j'ai les cheveux gris, moi. Mais je pense qu'il se teint, M. Moreau. Pensez-vous? Ben, je voulais pas le suggérer. Mais je l'ai eu proche ici. Mais je pense qu'il se teint. Regarde, je lance ça comme ça, je veux pas mettre rien. Mais Moreau, le candidat de la jeunesse. Raymond Bachand, le candidat de l'expérience. Et vous êtes candidat de quoi, vous? Mon Dieu. Du privé, peut-être? Je vous donne des indices. Mais c'est très bon, le secteur privé. Bien, je veux dire, moi, je lancerais ça. La plupart des gens qui vous écoutent ce soir travaillent dans le secteur privé. Bien, tout à fait, à part nous-mêmes qui sommes dans le public. Là. D'ailleurs, c'est-tu si payant que ça, le privé? Ça dépend des jours, ça dépend des mois, puis ça dépend des années. C'est risqué, vous savez, quand on va dans le secteur privé, on découvre le risque. Ouais, ben oui. Quand on est dans des disciplines payées par les fonds publics, comme moi j'ai fait en médecine, puis vous peut-être, j'oserais pas le dire, mais presque. Ah oui, non, vous pouvez le dire, 50%. Le niveau de risque est différent que lorsqu'on a une entreprise à bâtir, à faire des acquisitions, c'est différent. Mais c'est de la perception aussi, parce qu'on peut être dans le public et faire beaucoup d'argent. Prenez M. Vaillancourt, par exemple. C'est fou, je ne pourrais pas croire que 155 000 $ par année pourrait comme rapporter tant que ça. Et là, est-ce que vous sentez que vous avez le vent dans les voiles? Notre campagne va bien, mais on a encore beaucoup de mer devant nous, beaucoup de vagues devant nous, et il ne faut rien prendre pour acquis. Oui, puis beaucoup de mer, je trouve que c'est assez bien dit. Les élections municipales, c'est quand? C'est dans un an. Ça va être assez rock'n'roll. Cela dit, quand je vous disais que Pierre Moreau était venu ici le 12 octobre dernier, il a dit que si vous veniez, il allait vous écouter avec attention. Ah, il est bien gentil. Oui, bien tout à fait, ben, je comprends donc. Et il nous a d'ailleurs dit que vous feriez un excellent ministre de la Santé sous sa... Je sais pas où il a pris cette idée-là. Ben, je sais, ben, nous non plus. Mais la question qu'on se pose tous maintenant, parce que c'est pas vous le ministre de la Santé, c'est pas vous le premier ministre, c'est Pauline Marois. Oui. Hein? Et on a vu un sondage dans le Journal de Montréal récemment qui disait que 56 % des Québécois étaient insatisfaits du gouvernement Marois jusqu'à maintenant. Bien, il y a clairement certaines de leurs politiques avec lesquelles je suis en désaccord. Là. Mais un gouvernement qui arrive, il fait face à la réalité. Je pense c'était comme ça aussi avec vous en 2003? On a eu des moments difficiles en 2003. On arrivait dans un gouvernement majoritaire. Oui, tout à fait. C'est différent. Alors, eux, ils ont un double test de la réalité. D'abord, le test des finances publiques, le test des politiques qu'ils croyaient faciles à mettre en place, qui sont loin d'être faciles lorsqu'on arrive au moment où on doit les mettre en place. Puis également, le test d'un gouvernement minoritaire. Moi, j'ai été dans un gouvernement minoritaire pendant quelques mois. Oui, oui. C'est pas le même monde, là. Il faut négocier, il faut discuter avec les adversaires. On peut pas penser que parce qu'on propose une politique, elle va nécessairement être adoptée. Et est-ce que c'est différent de... Est-ce que vous accepteriez d'être dans un gouvernement minoritaire? C'est pas une question d'accepter ou de refuser. Non, mais je veux dire, parce que quand on arrive dans un gouvernement minoritaire, comme vous voyez, Pauline, elle se débat un peu... Fait juste commencer. Oui, en plus, je veux dire, ça va être long, là. Peut-être pas. Mais long pour elle. 14 minutes, ça dépend. Quand t'es en dessous de l'eau, ça peut être plus long que les autres. Mais justement, après si peu de temps, 56 % des Québécois qui sont insatisfaits, ça devient difficile. Est-ce que vous êtes prêt à affronter toutes les tempêtes? J'en ai eu plusieurs dans ma vie, puis il y en aura d'autres. Mais vous savez, 56 % d'insatisfaction, on est nous-mêmes assez expérimentés dans le domaine de l'insatisfaction avec les dernières années. Oui. Alors, il faut prendre ça avec un grain de sel. Ah, ben oui. Je trouve ça le fun que vous appuyez le gouvernement péquiste. Mais ce qui est important, c'est les politiques qui sont mises en place. Les politiques mises en place, à mon avis, ne sont pas les bonnes politiques pour le Québec. Et c'est surtout ça qu'il faut dire, parce qu'il ne faut pas nécessairement gouverner seulement en fonction d'un taux de satisfaction ou des sondages. Ce n'est pas nécessairement les bons choix qu'on fait. À mon avis, les choix qui sont faits actuellement ne sont pas les bons choix, notamment sur le plan fiscal, sur d'autres plans également. D'ailleurs, vous n'avez pas laissé un trou d'1,6 milliard, vous, à Madame, ben, vous n'étiez pas là, mais je veux dire, votre parti, là, il est parti avec 1,6 milliard de trous dans son budget. Mon collègue ne semblait pas d'accord, M. Bachand, qui était ministre des Finances. Donc, vous êtes d'accord avec M. Bachand? Ben, c'est lui qui connaissait les chiffres. Ah, ben c'est ça. Ben, vous devriez le garder dans votre prochain gouvernement. Moi, je lisais les journaux comme vous. Parfait. J'ai une dernière question pour vous, M. Couillard. Est-ce qu'on peut vraiment se fier je parle de Pauline Marois, là, à une ancienne ministre de la Santé qui démissionne de la politique puis qui revient quand son parti n'a plus de chef? Vous avez remarqué, c'est un pattern récurrent. Hein? Ben, je vois ça, là. La santé, ça a l'air de briser du monde. C'est dur, mais c'est exaltant aussi. Quand les gens me demandaient, ça doit être difficile, le ministère de la Santé. Oui, mais intéressant, c'est ce que je répondais. Et effectivement, vous faites bien de rappeler. C'est un parallèle intéressant, d'ailleurs, auquel je n'avais jamais pensé. Je vous remercie. Ben, je vous annonce. Ça va me permettre de répondre de façon différente à certaines entrevues. Ben, vous savez, je ne sais pas si votre relationniste est là, mais moi, j'ai en train de prendre des notes. J'ai du temps libre les week-ends. Fait que je ne sais pas pour vous. Mais merci beaucoup, M. Couillard. Vous restez là parce qu'on va encore parler de médecine avec Régent Tremblay qui va venir nous joindre dans quelques minutes. Mais vous bougez pas de là. Je reste dans le même siège. Oui, ben on va faire toute une logistique tantôt. Ben, c'est comme la médecine, ça va être bien compliqué. La commission Charbonneau nous a fait découvrir tout un système qui facilite la corruption et la collusion, aussi bien que des techniques pour bien se sentir après avoir arnaqué tout le monde. On l'a entendu, hein, Gilles Surprenant avait sa façon bien à lui de ordonner à l'État pour se déculpabiliser et ça nous a inspiré une petite parodie. Vos clés. Merci. Si vous voulez, on peut s'arranger. Là. Pas de facture. Vous, là? Quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte combien? Rien. Bon, pourquoi? C'est le gouvernement qui paye. OK, mais avec quoi? Nos impôts. Ben, pas de facture, ça doit être dur de payer ses impôts. Ah, non. Je prends cet argent-là, puis je vais le flamber au casino pour leur donner à l'État. Hein? C'est surprenant. Fini la paperasse. Dépensez ce que vous gagnez en dessous de la table au casino, une nouvelle façon ludique de payer vos impôts sans demander de facture. Ouais. Un message de Revenu Loto-Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de La Soirée est encore jeune et c'est le moment d'aller retrouver notre fabuleux reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard, qui se cherche beaucoup cet automne. Hein. Il y a deux semaines, il a tenté de devenir animateur à Radio X. La semaine dernière, il a voulu rentrer dans la police, qui s'est d'ailleurs tassé puis il s'est pété le nez. Ouais. Et, on se demande cette semaine s'il est mieux dans sa peau ou s'il poursuit sa réflexion. Jean-Sébastien. Bonjour Jean-Philippe Vautier, comment allez-vous? Ben, ça va super bien, mais vous, quoi de neuf là? Ben écoutez, comme tout le monde, hein, depuis quelques semaines, je suis à la télévision la course à la chefferie du PLQ. Ouais. Et à peu près comme tout le monde, je trouve ça ben plate. Les candidats, soit on les connaît pas, soit on leur regarde la face et on se dit, coudonc, ils se rendront pas aux fêtes. Alors, voulant insuffler un peu de jeunesse, de beauté et de poésie à cette course, je vous annonce, Jean-Philippe, officiellement que je me lance à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Absolument. Vous allez être 5, c'est bon ça. Merci beaucoup. Alors, ceux qui avaient tenté, on s'en souvient, notre collègue Jean-René Dufort en 1990. Ouais. Il n'a pas réussi à obtenir un formulaire, alors je vais tenter de réussir là où il a échoué il y a quelques années. Et présentement, je me trouve donc à la toute première étape de ma démarche, c'est-à-dire rencontrer un représentant du parti pour savoir comment ça marche et pour obtenir mon formulaire d'inscription. D'accord. Je me trouve donc au quartier général du PLQ sur la rue Waverly à Montréal, où je suis venu rencontrer M. Michel Rochette, directeur des communications du parti. M. Rochette, bonjour. Bonjour, je suis très content d'assister à ce moment unique dans l'histoire du Québec. Je suis content d'être là avec vous. Ben, merci infiniment. Alors, première question, j'imagine que non, mais est-ce que ça existe des règles ici au PLQ qui régissent cette course à la direction? Il y a plusieurs règles qui ont été adoptées ce week-end par les membres du Parti libéral du Québec. On a des règles très très sérieuses et qui ont passé, on a passé plusieurs votes, plusieurs heures à débattre et à voter ces règles-là. Et c'est d'ailleurs la première course qui va être en bonne partie légiférée et encadrée par le directeur général des élections quant à tout le financement de cette course-là. Est-ce qu'il y a un plafond maximum des dépenses qu'on peut faire durant cette campagne-là? Oui, ben il y a un montant maximum qu'on a fixé à 600 000 $ duquel on retranche 100 000 $ là, en fait, une limite de 100 000 $ qui va servir au transport et à l'hébergement des délégués. Pour le reste, il y a 500 000 $ qui reste. Ça représente à peu près la même somme qui avait été demandée et qui avait été limitée donc à la dernière course à la direction du parti en 1983, donc il y a presque 30 ans. Mais 600 000 $ tabarn, je suis un peu étonné, j'irai pas chier loin avec ça, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose avec ce montant-là? Il me semble qu'au PQ, ça roule plus que ça d'habitude, non? D'ailleurs, c'est à peu près le même montant que le Parti québécois avait donné lors de sa dernière course sur leadership. C'est vrai que les choses coûtent cher quand même. Alors, une course à la direction, ça représente quoi? Ça représente des frais, par exemple, de location de bureau, de salaire, de cellulaire, d'équipement, d'informatique. Évidemment, il faut voir que les candidats se limitent, mais je pense que ça représente un montant intéressant parce que, bon, c'est vrai qu'il y a 125 assemblées de choix de délégués qui auront lieu partout au Québec. Mais on a des bénévoles partout au Québec, ils auront des équipes partout au Québec, alors je suis certain qu'ils vont être capables de faire ça. Mon Dieu, vous êtes bon. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la provenance de cet argent-là. Est-ce que ça a une importance ou entre nous, on s'en torche un peu? Comme je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que le directeur général des élections va lui-même encadrer tout ce qui va toucher le financement d'une course à la direction d'un parti. Il faut comprendre que par le passé, ça ne regardait que les partis. Maintenant, depuis 2010, depuis que le gouvernement Charest a fait adopter un changement à la loi, alors c'est maintenant le directeur qui légifère. Donc, tout ce qui se récupère en argent doit d'abord passer par les mains du directeur des élections dans les limites normales d'un financement normal d'un parti politique. Excellent. Alors, tout ça me semble bien clair. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Alors, Jean-Philippe, je reviens dans quelques minutes et on va s'attaquer un petit peu à mon principal adversaire dans quelques minutes. Bonne chance, Jean-Sébastien. Merci infiniment. Hey, c'est vrai que 600 000 $ vous pourriez même pas vous payer, Monsieur Surprenant. C'est bête de même, hein? Pis c'est juste sur quelques mois. Ben, je sais, ça n'a pas d'allure. Ah, monsieur, que ça va être intéressant, ça. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier, une émission pro-choix qui ne recevra donc jamais de médaille à Ottawa. Ah, ben, Fred, Vous n'êtes pas chef de parti? Non, mais vous avez des idées politiques quand même. Oui, sauf que cette semaine, j'aimerais revenir sur le scabreux dossier de l'intimidation qui aurait fait surface suite à la blague de l'humoriste Guillaume Wagner au sujet de Marilyn Thibault. Ouais. Blague qu'il a proférée dans son premier one-man show qui prenait l'affiche la semaine dernière. C'est grâce à Sophie Durocher que la chose s'est retrouvée dans l'actualité. Elle, qui est venue à la rescousse de Thibault, une chanteuse qui provient de l'écurie québécoise, ne l'oublions pas. Oh! Mais là, je m'excuse tout de suite si j'ai offensé les chevaux avec mon expression, que dis-je? Si j'ai intimidé les chevaux, puisque visiblement, tout est maintenant intimidation, si j'en crois les bien-pensants si présents dans notre beau Québec. Bon, là, j'ose pas répéter la blague en question dans sa langue d'origine, mais comme le français recule de toute façon au Québec, hein, on l'a bien vu cette semaine, voyons voir si la blague choque autant en langue étrangère. Marilyn Thibault is so ugly, it should be tax-free to fuck her. Vous voyez? C'est déjà moins pire. Mais est-ce pour autant de l'intimidation? J'avoue, le sujet est délicat presque autant que l'ego de Marie-Hélène, mais la question se pose légitimement, mais avant tout, il serait intéressant de se pencher sur la définition d'intimidation. Alors, selon le petit Robert, intimider, c'est 1. Inspirer de la crainte, de la peur. A. 2. Faire perdre son assurance. A. Remplir de gêne, de timidité. D'ailleurs, j'ai pas osé regarder la définition dans le gros Robert pour ne pas intimider ni les gros, ni les Robert et les dictionnaires. Mais ce pseudo-scandale digne d'un perron d'église m'a quand même fait réfléchir sur notre propre travail, Jean-Philippe. Avons-nous ici même, sans vraiment le savoir, fait de l'intimidation, par exemple envers le docteur Barrette? Vous savez ces blagues, Jean-Philippe, que vous trouviez si drôles et que vous me forciez à dire en ondes? J'ai peut-être moi-même été victime de votre intimidation, hein, dans le fond. Et j'ai probablement moi-même déjà peut-être intimidé notre invité, hein, M. Régent Tremblay, dans plusieurs chroniques dans mon ancienne vie au Spornographe. Mais était-ce de l'intimidation, puisque M. Tremblay n'a visiblement pas souffert? Là, on va lui demander tantôt, je ne sais pas, j'ai peut-être même pas jamais écouté les chroniques. Il m'écoute, moi, parce que je viens du Saguenay. Ouais. Mais ce qui me pousse à me demander cette question de la plus haute philosophie. Si un kidam claque des doigts dans une forêt sans personne pour entendre le bruit des doigts, mais que le bruit des doigts produit une blague pas drôle et de mauvais goût, est-ce quand même de l'intimidation si seulement les arbres l'ont entendu? L'intimidation est-elle si omniprésente qu'elle se suffise à elle-même? Et n'y a-t-il pas lieu de réfléchir sur la notion de victime? Aurais-je été victime moi-même d'intimidation sans le savoir? Me crisserais-je des blagues faites à mon sujet? Y a-t-il une différence entre une supposément déductible d'impôt pour une seule personne qui nous trouve l'aide ou celui ou celle qui se fait dire jour après jour qu'il est non seulement laid, mais également gros ou petit, mais qu'en plus, il ne cherche qu'à être lui-même de façon anonyme au lieu de chanter des chansons avec une voix chevrotante? Il y avait juste un point dans ce phrase-là? Oui. OK. Juste pour être certain. Je voulais pas intimider la ponctuation. Okay. N'y a-t-il pas une taxe sur la notoriété qui fait que tu t'exposes un peu plus aux blagues drôles, mais aussi aux blagues pas drôles, pantoutes, qui font juste choquer pour choquer, exactement comme le cas qui nous occupe? N'y a-t-il pas une perte du sens des mots, comme l'écrivait si bien Mathieu Bocoté, je ne sais plus trop, j'essaie de ne pas trop le lire? Intimidais-je Monsieur Bocoté en disant que je ne veux pas trop le lire? Aurais-je une déduction d'impôt si je le lis plus? Se peut-il que la carrière de Mme Thibault va peut-être pas comme elle le voudrait, qu'elle est à fleur de peau? Est-ce trop misogyne de dire à fleur de peau alors qu'on peut très bien dire à bière de peau ou encore à motocross de peau? Même pour la peau d'une femme? Tant de questions, mais une chose est sûre, Wagner a raison quand il dit que les Yvon Deschamps, les Cyniques et RBO ont eu de la chance de ne pas œuvrer à l'ère des médias numériques, parce que, mis à part Deschamps, les deux autres ont quand même eu eux aussi leur lot de blagues de mauvais goût, ne l'oublions pas. Pensons à celle-ci des Cyniques, dite par Marc Laurendeau. « As-tu vu mon briquet, Lise Payette? Une grosse torche! » Imaginez seulement un instant si cette blague avait été proférée aujourd'hui. C'est dans leur dernier spectacle en 70, je crois. Et que dire de RBO qui, à cause de son acharnement, a précipité le déclin et la fin de la carrière de la chanteuse Belgazou. Mais est-ce que pour autant ces blagues n'eurent dû jamais été dites? Malheureusement non. Parce que j'estime la liberté des créateurs de créer comme absolument sacrée. C'est exactement comme la liberté d'expression, même s'il faut se farcir des insanités de certaines radios et de... parfois certains chroniqueurs et de leur épouse. Mais je vais m'abstenir de les nommer directement. J'aurais bien trop peur de les intimider. Bon, mais Fred, merci beaucoup. Hein? Ouais. C'était beaucoup très... Beaucoup de mots. C'est un sujet complexe. Hein? Ben oui. C'est juste plate que vous l'ayez fait à la radio. C'est-tu une intimidation, ça? Non, oui, okay, je pense que oui. On va retrouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, Ah, Jean-Philippe, toujours avec M. Michel Rochette, directeur des communications du Parti libéral. Vous le savez, il est là pour m'aiguiller sur mon intention de briguer la chefferie du PLQ. Oui. M. Rochette, évidemment, pour mener une campagne efficace, la première chose à faire, tout le monde va vous le dire, c'est de bien connaître ses adversaires. Et selon le sondage, c'est le bon Phil Couillard qui est le grand favori pour le moment. Et de beaucoup. Oui, oui, mais oh, bon, évidemment, ça, c'était avant l'arrivée de Jean-David, ça risque de changer complètement la donne. Mais pour le moment, pour moi, l'homme à battre, c'est Philippe Couillard. Alors, j'aimerais qu'on parle de lui. Vous allez me dire, M. Rochette, qu'est-ce que vous pensez de Philippe Couillard, à part qu'il n'est pas barré à 40 de revenir, lui, en politique, à part le coup de cochon qu'il nous a fait en 2008. Déjà, d'abord, on est choyé au Parti libéral du Québec d'avoir des candidats de si grande qualité. Je me dois neutralité face à chacun des candidats, mais je dirais qu'on est choyé d'avoir autant de compétences et d'expérience devant nous. Ah. Il paraît aussi que c'est quelqu'un de bien intelligent. J'ai entendu dire ça, je l'ai lu souvent. Il paraît qu'il jouait à génie en herbe avec ses collègues dans le bureau le midi. Louis Varel a déjà dit dans la presse qu'il était tellement intelligent qu'elle était incapable de le déculoter à l'Assemblée nationale. Mais inversement, j'ai lu dans un article qu'il souhaite poursuivre sur plusieurs points l'œuvre de M. Charest. Alors, la question qu'on se demande, c'est, coudon, est-ce qu'il est en train d'en perdre des bouts, le bon docteur? D'abord, merci à Mme Morel de nous épargner trop de détails, mais encore une fois, je vais être obligé d'être neutre et de rappeler que je fais confiance à M. Couillard qui aura la chance de faire entendre son discours. On a plusieurs débats d'ailleurs qui s'en viennent au parti. Alors, à tous ces gens-là, ils auront la chance de faire connaître leurs idées. Jean-Sébastien? Oui? Est-ce que vous allez faire partie du débat? Probablement. Est-ce que je peux faire partie du débat, M. Rochette? Ça vous prend 500 signatures, un petit montant de 50 000 $ et beaucoup d'amis un peu partout au Québec. Y a pas de problème. Pas de problème, je vais faire un spectacle, le bénéfice avec Marie-Hélène Thibert. En terminant, dans une course à la direction, il faut être très sensible au look, évidemment. D'ailleurs, Philou Couillard s'est coupé la barbe récemment. Est-ce que, d'après vous, c'est un bon ou un mauvais move, ça? Sur la barbe, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui cherche à se dévoiler un peu plus, mais je préfère dire que c'est toujours en dedans qu'on est beau. Est-ce que vous le trouvez plus beau comme ça ou avant? Sur les commentaires physiques des gens, je préfère me résumer à ma femme que je trouve très jolie. Jean Charest, il était-tu plus beau? Il est pas mon genre. Vous avez pas les friser. J'adore M. Charest, mais physiquement, je me suis jamais posé la question. C'est intéressant, ça. Mais écoutez, moi, je vous reviens avec quelques questions en vrac pour compléter mon inscription dans quelques minutes, Jean-Philippe. OK, puis on vous ramasse des scènes ici, là. J'espère. 50 OK, bye-bye. Fred, notre deuxième invité. Journaliste, chroniqueur, auteur, homme du monde, notre deuxième invité a révolutionné le paysage télévisuel québécois et s'attaque maintenant au monde du roman. Accueillons M. Régent Tremblay! M. Tremblay, hey, ça fait-tu du bien d'être en Saguenayen puis en Janois ici? Ben là, c'était toute la semaine comme ça. Ah, ben oui, je sais, mais j'ai retrouvé ton père. Là. Ah oui? Ah ouais. Oui, vous l'avez vu mardi. Ça veut dire que t'as une perruque. C'est ça. Mon père, il en a moins, mais ça donne que je retienne ma mère. Je suis bien content là-dessus. Non, mais vous venez pas du lac, M. Couillard. Par alliance. J'habite là. Ben oui, à Saint-Félicien. Ouais. Une belle place. Très belle. C'est du bon monde, là. C'est du sang bleu poudre. Oui, ben, il commence à teindre. Un bleu rapporté, on peut dire. Oui, c'est ça. C'est les meilleurs, ça. C'est souvent les meilleurs. Un bleu à cultiver. Oui, une myrtille qu'on appelle. Régent, vous venez nous visiter, évidemment, avec un nouveau livre. Vous avez illustré à peu près tous les fantasmes masculins, hein, que ce soit dans vos séries, là, on parle de Scoop, hein, Urgence, Lancer Compte. J'ai payé de ma personne. Continuons. Et là, dans le premier roman, vous parlez de la relation amoureuse torride d'une gynécologue et à la beauté sensuelle, ça je le lis, à la poitrine lourde, sexy à faire donner un sein, en mission en Afrique. Ouais. Votre vie intime, là, es-tu si plate que ça que vous avez besoin de mettre ça dans des séries? Puis dans... Ou c'est un peu votre biographie? Oh non, c'est pas ma biographie. Ah non? Dieu m'en préserve. Vous êtes pas une jeune gynécologue? Non, absolument pas. Non, ça reste quoi? Mais, je veux dire, en bout de ligne, tu finis quand même par t'intéresser au même objet. Oui, ben, c'est bien clair. D'ailleurs, je l'ai lu. Je l'ai lu, je trouvais ça bon. J'ai trouvé ça bon, Régent. Ouais, je vais vous le dire. Et là, je me suis dit, on a fait un pool dans la place. Ça va prendre combien de pages avant qu'il y ait une allusion au sexe? Non, je pense encore. Dès le début. Oui, c'est comme le... Oui, mais la vie, le c'est cinq... ça. Ben oui, vous avez bien raison, mais ouais, je me disais, tu sais, il va se garder... Tu sais, c'est quoi la vie? Oui. Demande au doc, il va te le dire. C'est quoi? C'est une maladie transmise sexuellement qui... est incurable. Là. Qui est incurable. Ah, ben vu de même. Tu finis par la mort. Mon Dieu, j'arrête chaud là de suite, puis je m'en fais d'autres choses. Hein? Mais c'est un Français! Que quoi? C'est le steward de la classe affaires de Air France qui accrouse. Ben oui, je sais bien, tout de suite au début. Oui, mais en français, ça compte pas. J'ai lu votre roman jusqu'au tiers, hein, et j'ai trouvé ça bon. Non, t'as dit que t'avais lu jusqu'au bout. Non, jusqu'au tiers. À peu près. Non, là, non. Ça me déçoit, là. Mais je fais toute la tière avec votre œuvre. Ta génération, c'est long, lire. Hein. Ah, moi, ça me rend... Ça me... Bon. Moi, je suis un X, pas un Y. Ouais, je lis les livres au complet, moi. Ah oui? Bon, ben moi, je l'ai lu au tiers, mais je fais souvent ça avec votre œuvre. Je vais au tiers. Écoutez, le tiers de l'ancien compte, le tiers d'urgence, le tiers de votre livre, puis je trouve ça bon. Tu veux dire que le tiers de l'ancien compte, ouais, t'as réussi... Ça... Ah, je me suis pas, je me suis rendu au troisième. 125 heures, ça? Oui, c'est parfait. Bon, je me suis fait avoir. Mais je trouve ça le fun. Ça veut dire 8 ans. Oh, arrêtez, là! J'ai une vie. Monsieur Couillard, saviez-vous que Monsieur Tremblay vous interpellait dans ce livre-là? Non. Et là, je vais quand même un peu parler du livre. Ça parle d'une gynécologue. Ça m'inquiète un peu. Ben oui, non, mais vous faites bien. Aussi, par exemple. ça raconte l'histoire d'une gynécologue, donc québécoise, qui s'en va aider au Burkina Faso des femmes qui souffrent de fistules. Et c'est franchement intéressant. Et non, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Et c'est un page-turner quasiment. Pour vrai, là. Je veux dire, je me suis pris, j'étais dans l'avion, je lisais ça, puis je me suis rendu compte que j'ai même pas eu le temps de travailler sur votre entrevue quand j'ai. C'est de même. Et à la page 20. Mais c'est quand tu réfléchis pas que t'es le meilleur. Je sais. Continue. OK. À la page 20, je lis. David mit un plat. David, qui est urgentologue, mit un plat surgelé au micro-ondes et se servit un verre de vin. La journée avait été rude à l'urgence et les promesses des gouvernements qui s'étaient succédés à la tête du Québec depuis 20 ans restaient encore et toujours des promesses. Les salles d'attente étaient bondées, le personnel débordé et les médecins surmenés. Et voilà. Franchement, Régent. C'est vrai, ça. Oh. I rest my case. Ouais, mais c'était écrit, M. Couillard n'était pas là. Ah, voilà. Ouais. Attendez un peu. Vous l'avez écrit comme en 2003, chez Magarine? Non, non. Le premier jet, 2009. Ah, ouais. Voilà. Correct? Ben, ouais, ben attendez un peu, là, je veux dire. On ne refait pas un système de santé en deux mois, là. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'être dans le livre de Régent? Je fais un show en trois semaines. Ah oui? Non, mais oui, non, je sais bien, je sais bien. Et là, on planche sur une suite, là? Ben, ils me l'ont demandé, là. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ben, là, on va le faire aussi. As-tu pensé dans 26 ans, quand je vais venir ici, avec le vous allez être encore en vie dans 26 ans avec le système de santé qu'on a? Bon, mais là, on va avoir un nouveau premier ministre. Ça va s'arranger. Ah! OK! Est-ce que vous pensez que M. Couillard ferait un bon premier ministre? Oui. Ah oui? Mais là, il faut que je fasse attention, parce qu'André Bachand, André, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. C'est Raymond. Raymond, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Mais André aussi, il peut être très aimable. Oui, mais André sûrement, j'imagine. Qui est André Bachand? Aucune idée. Non, mais Raymond. Mais on le salue. Mais justement, là, vous parlez du système de santé, vous parlez beaucoup de la santé là-dedans, et vous faites souvent allusion à la difficulté de travailler dans un système, dans le système de santé au Québec, mais évidemment au Burkina Faso, mais quand même, c'est pas la même affaire. Non, c'est vraiment pas la même affaire. D'ailleurs, on en apprend beaucoup. Vous m'éduquez, Régent. Je vais vous le dire, vous m'avez éduqué. Ouais, on a manqué notre coup à l'école, il faut se reprendre. Ah, ça, bien. Continuons. Ben là, vous n'avez pas vous-même été prof? C'est embêtant. Non, c'est ça que je te dis. Ah, OK. De latin, de grec. Moi, ouais. Ah, ouais, c'était pas ma affaire. Cela dit, est-ce que vous allez faire un film avec ça? Alors, ça, on le sait jamais. Ça veut dire, ça prend un producteur. De préférence, Denise Robert. Oui, c'est ça. Oui, elle est prête à payer pour. En tout cas, non, mais. N'importe quoi. Ou Fabienne Larouche. Oui. Oui. Là, vous connaissez Fabienne, vous? Oui, oui. OK. Elle a réussi à l'école. Ah, c'est ça l'affaire. Mais là, justement, on parle de film. Vous avez réalisé, je ne sais plus, on est rendu où à L'Ancien Compte? L'Ancien Compte quoi, là? Ben, c'est la 8e série, plus un long métrage, plus des téléfilms. De L'Ancien Compte? Oui. OK. Ça, il y a eu 4 là, je vous avoue que là, je vous ai perdu là-dessus. C'est encore bon? Cette année, on est particulièrement content, ouais. Puis, tous les mots, c'est Régent Tremblay. Tous les mots. Oui. Non, Denis Bouchard. Denis Bouchard, je mets une réplique d'à peu près une ligne, ouais, en sachant que Denis va improviser le reste. Fait que là, vous remplissez vos 22 minutes par... Non, mais Denis a un timing. Que... Ah ouais? Oh, ouais. Et puis, ce livre-là, est-ce que tous les mots, c'est les mots de Régent Tremblay? Ben, il y a les mots avec... je veux dire... Ben, les allusions au sexe, c'est non, bien non, sûr. Non, mais les correcteurs. Il y a aussi des correcteurs. Okay. Qui... Mais bon, oui. Puis ça prend combien de temps d'écrire un livre de même? Supposons qu'on s'applique. On s'applique, on a une idée, on s'applique, on s'assoit là. Mettons que t'es bon. Mettons, là. Ouais. Mettons. Fait que supposons, là. Ça, j'ai commencé le 4 janvier. Eh mon Dieu, oui. Puis ça a pris, je dirais... Il y a 10 chapitres, 2 par mois, 4-5 mois. Ah, ben ça se fait bien. Ah, oh, ouais. Puis ça, si ça se vend bien, en plus, c'est le fun. Oui, je vais trouver ça très agréable à écrire. Je vous ai les deux. Le prochain chef du PLQ, un chroniqueur sportif qui connaît tout des coulisses, les Nordiques, là. C'est pour quand, ça? Ah, ben, c'est lui, c'est toi qui fais ça. Non. Ben non, parce qu'on l'a lu, hein? Si le PLQ est au pouvoir, les Nordiques, c'est possible. Si c'est le PQ, c'est moins possible. On l'a lu dans le Journal de Montréal. Je suis pas sûr que c'est comme ça que ça va se décider. Non, puis, moi, mais puis c'est pas comme ça que ça s'est dit non plus. Non, non? Non. Je dis pas ça. Ben, ça va se décider. Juste des fois quand c'est vous. Moi, je pense qu'il va y avoir les Nordiques. Et en quelle année? 2014-2015. Ah, mais c'est bientôt, ça, ça veut dire. D'ici 2-3 ans. Mais penses-tu que c'est une équipe qui va déménager ou c'est une nouvelle équipe? Moi, je pense qu'il y a bien des chances maintenant que ce soit une expansion. Ça va dépendre comment la convention collective va se régler entre les joueurs. Si Bettman arrache assez d'argent, quand je dis Bettman, là, c'est les propriétaires, s'il arrache assez d'argent aux joueurs pour financer les clubs là, comme Phoenix, Columbus, ils vont essayer d'étirer pour conserver les marchés de télé. Ben, là, à ce moment-là, le nanane qu'ils vont donner en créant 50 jobs, ils vont donner une expansion. Okay. Puis là, ben, ça va faire une autre série de Régent Tremblay. Ben non, mais là, ça va être le fun. Je veux dire, on va pouvoir tout filmer les matchs des Nordiques pour intégrer les images. Ah, parce que ça va être les droits de Québécois. Ben oui, mais tout est dans tout. Ça va être bien plus facile de faire une série. Ah, il est brillant, Régent Tremblay. Vous restez avec... Voulez-vous une bière? Je suis là, puis je ne vous pas de bière, Pantoune. Non, ça ne pourrait pas brosser au Saguenay, celle-là. Non, mais pour brosser au Québec, pareil. C'est pas grave. Merci beaucoup, Fred. Hey, tu sais que... Oui, non, dites-moi avant. Lui, là, je voterai pas en libéral. C'est impossible. Comment ça? Mais je le trouve brillant. Ben oui, je sais. Il paraît qu'on le dit partout, Gabriel. Non, mais j'ai adoré j'ai adoré nos premières rencontres. J'aime ça aujourd'hui. Ouais. Merci, Réjean, moi aussi, je t'aime. On a une histoire d'amour qui s'en vient, là. On va voter tout libéral ici, mais on n'en parle plus. Ouais. Vous n'avez pas des cartes à vendre, vous, d'ailleurs, des cartes de vente? Je les ai oubliées. Ah, ben c'est maudit, parce que là, pour moi, vous n'auriez rendu une scène. Ben oui, Raymond Bachin, ils avaient amené, lui. Il en avait beaucoup. Ah oui? Énormément. Bon. On passe aux choses sérieuses. Fred, notre prochain chroniqueur. Il redéfinit l'écume des jours au son des ondes radiophoniques et nous en restitue les moments les plus juteux. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Alors, vous pouvez applaudir. Un autre du Saguenay, ça. Eh oui. Mon premier char. Eh bien, la fin de semaine dernière, je ne suis pas allé voir le film Argo de Ben Affleck parce que je croyais tout connaître de la crise iranienne des otages. J'avais tout faux. En effet, selon la critique cinéma du réseau Liberté Québec, Joanne Marcotte, il ne s'agit pas de l'histoire de la libération de diplomates américains du joug d'étudiants terroristes, mais de leur libération du joug de la fonction publique. Donc, le combat contre une bureaucratie qui s'enlise à un moment donné puis qui a peur de créer des remous ou de se faire blâmer, puis finalement qui aurait mis peut-être en péril les autres qui étaient encore en otage dans l'ambassade. Ah, pas besoin de lunettes 3D quand on voit tout à travers le prisme libertarien. La bureaucratie a aussi eu la peau de Lance Armstrong cette semaine. Selon Ron Fournier, qui doit meubler de longues soirées avec pas de Canadiens, il faudrait interdire le dopage chez les amateurs, mais le permettre chez les pros puisqu'ils sont conscients des problèmes qui en découlent ou qui en coulent, en fait. Ça t'a amené où, ça, à 28 ans? Là, parfait. T'as 100 millions, parfait, mais t'as la diarrhée jusqu'à la fin de tes jours. Parfait. C'est ça que tu veux? Parfait. As-tu pris ton Imodium? Parfait. D'autre part, après s'être indigné d'une joke faite pour indigner les matantes, nos amis de la Radio de Québec se sont penchés sur le cas d'une professeure suppléante bannie pour avoir fait des photos érotiques il y a 10 ans. Défendue par son syndicat, elle a toutefois eu gain de cause devant les zélotes de la commission scolaire, ce qui a beaucoup plu au syndicaliste de droite Jérôme Landry, qui a interrogé ses propres convictions pour supposer d'un coupable. Hey, comment ça s'est rendu à la commission scolaire? C'est des grosses frustrées qui se sont plaints de la situation, je suis convaincu. Mais ils l'ont su comment? Moi, c'est ça qui me bug. Qui a voulu nuire à cette fille-là? Mélérage de grosses frustrées, de grosses poilues, de grosses torches. Voilà. Et si j'ai bien compris le texte du Journal de Québec, la grosse torche poilue en question est directeur des ressources humaines et elle s'appelle Yvan. Mercredi, la boîte vocale de Claude Poirier a mis la main sur un énorme scoop grâce à un employé de l'Auto-Québec. Jean-Mito, quand il s'est présenté là, ben, tout a été filmé. Quand il est monté, puis moi, je l'ai dirigé vers les bureaux de M. Bigot. Vous pouvez parler du contenu, mais passez pas à la boîte vocale, s'il vous plaît. Ils veulent pas qu'on la parle, mais on l'a passé. Bon. Hey, dire que certains journalistes ont presque déjà fait de la prison pour protéger leurs sources. Mais quand il faut informer le public de quelque chose qu'il sait déjà, le négociateur y est pas trop négociable. Jeudi, on apprenait que le PQ voulait créer un comité d'enquête indépendant pour traiter les cas de bavure policière. Or, selon Gilles Proulx, les chefs de police n'ont plus les couilles qu'ils avaient au temps des baïonnettes et c'est leur virilité qu'il faut remettre en question. Moi, si j'avais été le policier, j'aurais foncé dans les manifestants plutôt que de me faire tirer des roches. Parce qu'ils ont des chefs. Je m'excuse de le dire, mais sérieusement, on doit se faire respecter. Ils ont des chefs. T'aurais fait le des Fifi Brin d'Acier comme chef. Ça, c'est insultant pour Fifi Brin d'Acier. Hey, elle n'est pas si pire que ça. Là, selon Wikipédia, elle avait une force surnaturelle, ce qui est presque aussi fort que matricule 728. Enfin, un petit mot sur cette grosse semaine de la commission Charbonneau, dont le fait saillant a sans doute été ceci. Et puis... Oh, excusez-moi. Pour notre grand bonheur, ce petit pet a été analysé en long et en large par Sophie Bérubé lors de son émission d'affaires publiques sur les ondes de Radio X Montréal. Par compassion, surprenant, je vais expliquer les raisons médicales qui ont peut-être contribué à l'événement dont on a été témoin en direct à la télévision hier. On apprend que les gens d'un de tempérament nerveux, quand ils sont mis dans une situation stressante, ils sont plus susceptibles d'avoir des flatulences. Tout s'explique. Ben, voyons. Malheureusement, la théorie du pet de Gilles Surprenant a volé en éclats puisque finalement, il aurait plutôt accroché le micro avec son pouce. Mais on va pas laisser les faits se mettre dans le chemin d'une bonne joke de pet. On le réécoute. Et puis... Oh, excusez-moi. Merci. Merci, Olivier. On va le retrouver, Jean-Sébastien, qui doit être rendu à course à la direction. Là. Je suis en train de préparer mon discours inaugural. Donc, toujours avec ce monsieur Rochette, directeur des communications. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, effectivement, je veux devenir chef du PLQ. Oui. Alors, avant de terminer cet entretien, monsieur Rochette, j'ai une liste ici de petites questions que je voulais vous poser en vrac, des trucs qui me semblent importants à savoir avant d'intégrer le parti. Alors, j'ai des questions ici. La première, une question un petit peu plus technique. Le chemin, là, pour aller à sa gare, c'est-tu la 40 ou la 20? Je ne sais jamais. J'ai aucune idée ce que c'est, mais je comprends bien depuis un an, tous les médias semblent mener à sa gare. On n'a rien caché des caméras. Oh, bien répondu. Je voulais aussi vous parler de mon entourage. Il y a déjà autour de moi qui sonne italien un peu. Je pense au gros Jean-Philippe Cipriani. Est-ce que c'est un avantage ou un handicap pour moi d'avoir ce gars-là qui gravite autour de moi? Ben, en fait, peut-être pas. Au pire, si on lui découvre un mauvais passé, peut-être qu'il va se retrouver à tout le monde en parle. Bon, j'ai juste à pas prendre de photos avec lui, c'est ça? C'est ça, oui. Maintenant, troisième question. Ça, j'étais curieux de vous entendre là-dessus. Écoutons, Marie-Hélène Thibert, est-ce que vous l'avez trouvé aussi laide que ça, vous? Aïe, aïe, aïe. Écoutez, si on dit que les yeux et la voix sont le reflet de l'âme, forcément, elle est une très, très belle personne, même si elle a chanté la chanson très horrible du PQ. Bravo! C'est bien ici. Bravo! Bravo! On salue votre intégrité. Autre question aussi. J'écoute bien gros la commission Charbonneau à la télévision. De la bien bonne télé. Ça me rappelle les bonnes années de Sabine Larouche et de Régent Tremblay. Mais j'en ai manqué des bouts. J'ai pas pu tout écouter. Alors évidemment, on parle beaucoup de corruption de Montréal, de Laval. J'ai pas tout écouté. Est-ce que, avant de m'embarquer, je veux savoir, est-ce que ça concerne le PLQ? Est-ce que vous êtes un peu éclaboussé ou ça vous concerne pas vraiment? Ben, comme tous les partis politiques au Québec, on le souhaite le moins possible. Évidemment, on suit ça, mais ça fait 145 ans qu'on existe. Ça fait 145 ans qu'on se bat pour respecter les règles. Évidemment, il y a des dizaines de milliers de personnes par année qui contribuent d'une façon ou d'autre. Alors, tout ce qu'on souhaite, c'est que tous ces gens-là les fassent en respect de la loi. Parfait. Et ça m'amène à ma dernière question. Moi, je l'aime pas bien gros Céline Dion. Je la trouve pas chancho. C'est-tu bien grave? C'est pas très grave. Alors, je pense que je peux être un candidat Jean-Philippe. Alors, ramasser les sous. Et monsieur Couillard n'a qu'à bien tenir. Oui, ben je comprends donc. Là, je vous le dis, Jean-Sébastien, là, il tremble en ce moment. Il tremble. J'imagine. Ben je peux comprendre. Colin, bonne chance. Merci. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Retraité depuis peu du HuffPost, notre correspondant parlementaire a donc autant de temps qu'avant pour se pencher sur nos élus et en extraire de la substance, une tâche parfois titanesque ces temps-ci. Voici Jean-Philippe Cipriani. Bonsoir, M. Cipriani. C'est l'Halloween la semaine prochaine. Effectivement. J'espère que vous allez nous parler de ça. Vous savez que les emprunts de la politique à l'Halloween sont quand même assez nombreux. C'est vrai. On peut penser au porte-à-porte qu'on fait. Oui, c'est vrai. On veut avoir beaucoup de bonbons. On met ses plus beaux costumes. Il y a beaucoup de squelettes dans le placard, effectivement. Et on est très fort aussi pour jouer à « Ce soir, on fait peur au monde ». On voit ça ces temps-ci. Alors, j'ai demandé à la plèbe sur Twitter quels sont les costumes in cette année. Ouais. J'ai retiré les suggestions de Guillaume Wagner. Et je peux vous dire que le brun est très populaire cette année. Ouais, soit pour les enveloppes ou alors pour les sacs sur la tête. Bon, le masque de Jean Charest a un peu perdu de popularité cette année, Monsieur Couillard. mais ce qui est incontournable cette année, on nous dit, c'est des bottes soccer avec des liasses de billets qui dépassent. Et, et depuis hier aussi, se promener avec une brouette de coffret de sûreté, c'est très, très in. donc, Et bon, il y en a d'autres, Big Bird, Anarcho Panda, Joseph Pistone, c'est juste que c'est lourd un peu transporter une plasma 46 pouces toute la soirée. Mais ça, c'est des bonnes suggestions. Mais est-ce qu'il y a des suggestions de costumes pour les politiciens, c'est ça qu'on veut savoir? Effectivement, c'est ce que j'ai demandé. Pauline Marois, elle qui avait tendance à se déguiser en courant d'air, hein, vous le savez. Ouais. Début de campagne, elle a disparu aux Îles-de-la-Madeleine. Pendant une semaine, elle a laissé ses candidats se débrouiller. Là, ouais, après, elle est partie en Afrique puis en France, puis elle a laissé ses ministres se débrouiller. Ouais. Ma suggestion, se déguiser en première ministre. Ça, c'est un... Ça serait fou! Mais d'autres nous suggèrent qu'elle pourrait se déguiser en Cendrillon, vu le nombre de belles-mères qu'elle a, effectivement. Jean-Marc Fournier, on connaît sa tendance au patinage aussi. Il est l'auteur de concepts assez stupéfiants comme l'angoisse fiscale. Il semble, en tout cas, qu'il pourrait soit se déguiser en Copernic, parce qu'il avait quand même dit aux conservateurs que la Terre tournait autour du Soleil, il leur avait appris. Ouais. Mais puisque le mode de scrutin du prochain chef date à peu près de l'âge des cavernes, on dit que Fred Caillou aussi pourrait très bien lui faire. Bon. François Legault qui va ressortir sa cape jaune de campagne de super-héros, vous vous souvenez de ça? Ouais. Jean Charest, on le sait pas cette année. Peut-être il va passer son tour ou passer avec une casserole dans les rues. Amir Kadir, semble-t-il, hésite beaucoup entre Martin Luther King et Gandhi. Françoise David, elle, entre Jeanne d'Arc et Simone de Beauvoir. Ouais. Léo Bureau-Blouin semble va se déguiser en adulte. Nathalie Normando, elle en Céline Dion. François Rebello, il ne sait pas encore. On pense à ça. En ce qu'il veut, hein, c'est ouais, ça. Et Raymond Bachand, on m'a suggéré qu'il se déguise en gratuit. Vous savez les pubs de Canadian Tire, là? L'ami de Gilles Guilbeault. Hein? Ouais. C'est vrai, mon Dieu, oui. Il paraît que ça y ressemble, puis qu'en plus, c'est comme représentatif de son passage aux finances. Et finalement... gratuit. Et M. Couillard, on nous suggère que vous... déguisé en revenant, évidemment, ça s'applique. Ouais. Mais puisque vous êtes habitué de jouer dans les cerveaux du monde, là, peut-être en zombie, hein, vous n'auriez pas de problème à transporter une affaire demain. Comment? Frankenstein. Ouais, Frankenstein, ça pourrait être pas. C'est un bon costume. Il y en a qui étaient très déçus que vous soyez rasé la barbe parce qu'ils disent avec une bonne job de faire plat, vous pourriez peut-être vous déguiser en Régent Tremblay. c'est payant. C'est payant, ça. Mais ça repousse, Régent bon. Tremblay, je vous le dis. Effectivement. Là. Lise Thibault qui se déguise en reine quand même depuis 1997. Ça y a quand même apporté beaucoup de bonbons au début, mais plus maintenant, je pense qu'il faut qu'elle change de déguisement parce qu'il y a juste Stephen Harper que ça existe encore. Quand même en 2008, on salue quand même qu'elle avait tenté de se déguiser en pauvre vieille à l'Assemblée nationale, mais tout le monde l'a reconnu pareil. et là, à Ottawa. Là. À Ottawa. Est-ce qu'on fête ça, l'Halloween, Ottawa? Bien sûr. Stephen Harper, lui, qui est déguisé en dinosaure toute l'année, va peut-être se déguiser en mammouth cette année pour son projet de loi, effectivement. Oui, ou en homme invisible, question peut-être de se donner un semblant de transparence. Et... Justin Trudeau, évidemment, a costumé au complet chez lui. Ben, je comprends donc. Boxeur, coureur des bois, explorateur du Grand Nord. Ouais. Je pense qu'il va peut-être se déguiser en son père dans les prochains jours. Denis Coderre va peut-être se déguiser en Régis Labeaume. En tout cas, c'est ce qu'on lui suggère. Et Gérald Tremblay, qui s'est quand même déguisé en aveugle depuis 9 ans. En fait, un singe de la sagesse. Là. Vous vous souvenez, il met les mains sur les yeux, sur les oreilles, sur la bouche. Ouais. À l'instar de Gilles Vaillancourt et du maire de Mascouche, on aimerait beaucoup, par exemple, qu'il se déguise en retraité cette année. Bon, ben merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci énormément. Hey, ben c'est déjà tout pour ce soir. Pouvez-vous croire? C'est fou de même. On invite les gens à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret, puis on est de fou, plus on lit. Ensuite, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe. Vous les connaissez. Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, Steve Côté à la console et Philippe Roberge à la musique. Un immense merci à nos invités, évidemment, M. Couillard. Bonne chance dans la course à la direction. Merci. Faites attention à Jean-Sébastien Girard. N'oubliez pas de prendre votre carte. Hein? Ah non, je sais. En sortant, je prends la carte directement. Jean Tremblay, on lit le roman Princesse Yenanga et j'attends votre offre pour jouer dans votre prochaine série. Je ne comprends pas comment ça se fait que je n'ai pas encore eu d'offre pour jouer dans votre série. La prochaine est Jeune Loup. Bon, quel âge as-tu? Jeune Loup, j'ai 32, c'est bon? Parfait, on s'arrange. Et quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée. Nous réécouter grâce à notre balado et écrivez-nous si vous voulez assister à l'émission. On enregistre les jeudis à 17h. Nos invités la semaine prochaine, Bernard Drinville et Sylvain Lafrance. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de votre soirée qui est encore jeune.